C'est le début de la F1 en fin de semaine en Australie. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Lance Stroll, évidemment, qui va courir avec l'écurie, l'ancienne écurie Force India. Également, un décès il y a quelques heures à peine qui secoue la F1. C'est un monument de la F1 qui s'en va. On devait parler avec Patrick Carpentier. Patrick est dans l'impossibilité de nous parler. On va parler avec Yves Landry, que les gens connaissent bien, puisqu'il a collaboré beaucoup avec Jeff Filion par le passé. Il a déjà travaillé ici même à Dolbeau Missassini dans l'ancien temps. Un grand amateur de F1. Il y a même des émissions menées sur la course automobile à Québec. Salut Yves! Oui, salut! Yves, d'abord, évidemment, la F1, même à quelques heures du... Quelques heures du début de la saison, il y a un drame qui secoue terriblement la F1. Décès de Charlie Whiting. C'est un monument de la F1, Charlie Whiting. Oui, il fait partie des... on appelle ça la poutre du temple de la F1 parce qu'il était là depuis très longtemps. Si ça secoue la F1, ben, pour les proches, oui, la famille, évidemment, parce que c'est un départ et un décès. Mais la Formule 1 de l'époque de Charlie Whiting, de son temps... où il était très fort à ce moment-là, et il était d'une grande importance, et bien différent de la Formule 1 que nous avons aujourd'hui. Alors, les structures sont tout à fait nouvelles, il n'y a plus rien vraiment qui se ressemble en Formule 1 avec ce qu'on avait hier. Par contre, l'apport qu'il a fait est sûrement remarquable, à l'instar des Max Mosley, qui lui, par contre, a connu une fin un peu bizarroïde, on va le dire, mais il y en avait d'autres aussi, le grand médecin qui était là, notamment sur la scène de Ayrton Senna qui est parti. Donc, plusieurs patriarches de l'époque de la F1 ne sont plus là, et la F1, c'est vraiment une ère nouvelle. Tu parlais tout à l'heure de la technologie et les dernières transformations qui arrivent en Formule 1. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était hier, évidemment. Elle a très changé. On ne parle plus de la même chose du tout. Alors, effectivement, Watkins, qui était là de nombreuses années et qui n'est plus, c'est l'histoire de la vie. Hein? Certains, c'est un mois. Pour d'autres, c'est 80 ans. Dans le cas, il aura fait 80 bons printemps sur la planète Terre. Et il se sera amusé beaucoup. Il ne faut pas oublier que le monde de la Formule 1 est un cirque immensément riche, qui n'a absolument rien à voir avec la vie de tous les jours de toi, de moi et de tous les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. Ouais. C'est une vie très rare. Une vie de rêve aussi, sûrement, irréelle. Et il en a fait partie, il faisait partie de ce grand train-là. Donc, d'après moi, là, je peux pas préciser rien parce que j'étais pas dans son entourage, mais pour avoir passé tant d'années dans le cirque de la Formule 1, un, il aimait ça, et deux, il a sûrement été heureux. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre cette année de la F1? Les nouveautés, la technologie, est-ce qu'il faut s'attendre... quelle équipe qui devrait normalement dominer encore? Ferrari, Mercedes, Red Bull... Inévitablement celle qui a le plus d'argent et celle qui a le plus de moyens techniques. Alors la Formule 1 d'aujourd'hui se bâtit de par les technologies. Une technologie nous donnera davantage sur une autre écurie. Il faut comprendre qu'on a des réglementations à chaque année pour essayer de soit diminuer la vitesse ou encore enlever un peu d'avantage aux écuries de pointe en resserrant la réglementation sur l'écart d'un aileron par rapport à un autre aileron, sur son temps d'utilisation, sur sa disposition sur la voiture, pour aller chercher de l'aérodynamique. Avec de la portée aérodynamique, on a évidemment une assiette qui est absolument parfaite au sol, donc beaucoup d'adhérence, et ça veut dire qu'autour, on réalise des temps exceptionnels que d'autres n'arrivent pas à copier. Alors, à chaque année, un ingénieur va se battre pour pouvoir contourner la nouvelle réglementation. Celui qui aura le plus de moyens pour faire cette étude-là arrivera à ses fins et donnera à l'écurie ce dont elle a besoin pour demeurer en avant. Alors, à quoi doit-on s'attendre? On doit s'attendre à ce que Mercedes et Ferrari soient dans les avant-plans. Est-ce que Red Bull, qui change de moteur, ça c'est toujours important pour une écurie, ils s'en vont du côté de Honda, qui n'était pas très très très performant, et ça, Fernando Alonso l'a dit toute l'année dernière. Par contre, il y a tellement d'items et d'éléments qui changent et qui peuvent faire en sorte qu'une voiture ne marche ou une voiture ne marche pas. Alors, à quoi doit-on s'attendre? On aime la F1 pour ce qu'elle est. Elle va commander des qualités très différentes de ce qu'elle commandait à l'époque où je la suivais énormément. Je suis allé à plusieurs grands prix. Je donnerai pas de chiffres pour rien parce que j'ai pas de prétention. J'ai pas de complexe, j'ai pas de prétention, mais les chiffres sont pas importants. Mais je suis allé à plusieurs grands prix. J'ai vu beaucoup de courses. J'ai écouté la symphonie des moteurs V12 dont je m'ennuie énormément. On a des moteurs turbo-compressés lorsqu'on va entre autres à Montréal, sur l'île, c'est plus du tout la même symphonie. Moi, je n'aime pas la F1 nécessairement d'aujourd'hui, mais je suis obligé de vous dire que c'est un show exceptionnel, immensément riche, mais très, très, très, très, très loin de la quotidienneté que nous tous permettez-moi d'inventer cet adjectif-là. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est maintenant Lance Stroll? Est-ce qu'il peut se battre pour la meilleure des autres? Est-ce qu'il peut se battre pour 7, 8, 9, 10 et même espérer un podium de temps à autre? Bon, espérer un podium, oui, dans la mesure où en avant, on s'accroche et on laisse la place aux autres. C'est arrivé quelquefois. On a eu un bon show l'année passée. Il y a quelques courses qui étaient intéressantes. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est qu'aussitôt qu'on s'attaque en Formule 1, on se brise. Alors, et quand on se brise, évidemment, ben, on n'est plus là. Alors, les voitures sont comme énormément de portées aérodynamiques. Elles sont à la fois très performantes, mais aussi extrêmement fragiles. Il faut comprendre que les vitesses également sont très élevées et qu'à la télévision, il est absolument impossible d'avoir le pouls réel de la vitesse des voitures en raison de la périphérie que nous n'avons pas par le biais de l'écran. Même si on bénéficie de 4K dans la définition de nos images. Ça n'a rien à voir entre voir un grand prix à la télévision et voir sur place. Donc, les vitesses sont très élevées et les erreurs sont fatales. Alors, aussi petites soient-elles, petit manque d'inattention, une fraction de seconde, microseconde, on est sorti de la piste. Alors, pour Lance Stroll, espérer que ça casse en avant pour pouvoir passer, oui. De là à performer, non. Il va demeurer dans une écurie qui bénéficie d'un moteur prêté par une autre grande écurie. Alors, on ne va jamais prêter aux autres ce qui pourrait les rendre susceptibles de nous battre. C'est inévitable. Ouais. Et ils n'ont pas non plus le même budget. Alors, on s'en remet toujours à ça. Les pilotes aujourd'hui arrivent en Formule 1 à 18-19 ans. Ils n'ont pas beaucoup de vécu et ils n'ont pas non plus beaucoup de tours de roue. Alors, c'est un peu curieux de voir tout ça. Dans le cas de Lance Stroll, il a énormément de moyens, mais énormément de moyens en Formule 1 dans le monde, la Formule 1, même si tu pars de tremblant, même si ton père a énormément d'argent, ça représente pas non plus la force ultime de la Formule 1. Il y a des gens beaucoup plus riches qu'eux et beaucoup plus en moyens. Et c'est comme ça que ça se décide. Alors, on aime la F1 pour le spectacle, quand on aime ça, mais sport pour sport, drive pour drive et compétition pour compétition, écoutez, à chacun de tirer ses conclusions. On a le droit d'aimer ça aussi. Là. Ouais. Pour ma part, j'ai moins d'engouement à la Formule 1 que j'en avais avant. Je l'écoute encore, pareil, le matin, ça m'arrive d'écouter ça, mais je vais écouter d'autres courses également et d'autres séries que je considère plus intéressantes parce que la part du pilote est beaucoup plus importante. Alors, en Formule 1, il faut bien comprendre que la qualité du matériel utilisé est à 70% dans la résultante. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Yves, un gros merci, on s'en reparle bientôt. Au plaisir. Yves Landry.